Envole tout, dévale tout, mais ne tiens plus à mort le cul. Balance pas, arrête les caresses, à mort les fesses. Sexy non, sexy non, t'es pas chaud, t'es pas chaud. Sexy non, sexy non, t'es pas chaud, t'es pas chaud. Masturbation, fais pas le con. Sourd, à mort l'amour.